Bruxelles 2050. Bref fragment d'un futur localisé. D'Emilienne Tempels, avec les voix de Patricia Hyde, Magali Pinglou, Patrick Taliercio, Emilienne Tempels. Musique originale de Vincent Cahet. Montage-mixage, Sébastien Courtois. Janvier 2050. Je n'arrive pas à dormir. La tête encore embrumée des quintuples Westmal que j'ai ingérés cette nuit. Je n'ai visiblement pas senti mon vibro-réveil intégré. J'espère que les substances alcoolisées n'ont pas abîmé la puce de mon cerveau. Où étais-je hier soir? Quelques bribes émanent. J'ai commencé la soirée dans une de ces péniches branchées du canal. Au programme, une symphonie holographique. Le spectacle était assez ennuyeux alors que normalement j'adore la musique classique. Dans le public, des femmes du troisième âge qui paraissent en avoir 20 dansent langoureusement avec leurs cheveux turquoises. Depuis qu'ils ont instauré les Friday Night Only for Women, c'est le seul jour où je peux sortir sans crainte toute la nuit. Enfin, ça c'est la version officielle. Je suis sortie de cette ambiance molle et j'ai enfourché mon vélo module. J'ai suivi le canal jusqu'au boulevard. Je me suis arrêtée au Botanique, le plus gros squat festif de la ville. Des groupes de kétadub se succèdent. De toute façon, le bourdonnement est si fort qu'on ne comprend rien. Il y a là plein de mecs qui sont quand même venus dans cet endroit clandestin. Un homme d'une septantaine d'années commence à me causer. Il a une grosse barbe et commence à débloquer sur son groupe de musique favori, qu'on ne retrouve même pas dans les bases de données, forcément, puisqu'antérieur au crash de Big Data de 2026. « C'est du punk !» qu'il me dit. « Prenez Binamé !»« Je connais pas !» Il insiste. « C'était le meilleur pogo !» Et il se présente. Il s'appelle Robert. Il m'affirme qu'il est animateur d'une petite radio clandestine et qu'il possède des livres. « N'importe quoi !» je crie. Les livres ont tous été recyclés, et quand bien même il y en aurait, y a pas intérêt qu'on le sache. Faut vraiment être inconscient pour déblatérer comme ça avec n'importe qui. J'espère qu'avec le bordel sonore ici, rien n'a été enregistré. Je lui offre une quintuple Westmal et le laisse à son délire. Soudainement, une jeune fille, le visage couvert de sang, fait son irruption dans la salle. Elle gueule. Elle a reçu un projectile en traversant l'ancien quartier européen. Depuis le démantèlement du quartier par les groupes unis eurosceptiques il y a 15 ans, de drôles de zi qui ont installé leur QG. La pauvre fille ensanglantée les aura sûrement provoquées avec son vélomodule Delvaux, qu'elle s'est fait piquer au passage. Pour fêter ça, elle offre la tournée à la fête entière. Après, je n'ai pas de souvenir de la nuit. Mais ce matin, je suis bien seule dans mon lit. 5h54. Faut que je me rendorme. L'horoscope de Radio Quichotte. Lion, l'argent ne fait pas le bonheur. La seule source de joie, c'est l'ivresse. Mais n'oubliez pas que toute consommation appelle modération. L'horoscope de Radio Quichotte. Vierge, tout vient à point qui sait s'étendre, attendre, pardon. Mais n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'horoscope de Radio Quichotte. Balance, il y en a pour qui choisir, c'est renoncer. Pour vous, choisir, c'est cumuler. Attention à la noyade. L'horoscope de Radio Quichotte. Scorpion, qui a été mordu par un serpent à la vue d'une corde tressaillera. De serpent. Sornette. Ma nuque est complètement coincée. J'ai encore dû m'en mêler pendant la nuit. Impossible de régler le massage progressif de ce matelas. Il m'a pourtant coûté une fortune. Mais je traîne là. 6h40. Allez, hop! Come on! Let's sport, honey. Sportwear, fit number 5, pink. Grasshopper tonic. Ce nutritionniste finira par avoir ma peau. Ok, l'ascenseur ne marche plus. Et je fais comment alors? Je saute par la fenêtre? Vous ne devriez pas vous énerver. Respirez et reprenez l'opération. Salle de sport. Exosquelette enfilé. Programme. Peu de résistance au début. Lancer l'application. Fight on Platoon. J'enfile mon masque. Il fait soudain plus froid. Un gros blizzard parfaitement restitué par l'installation 5D de la salle de sport me fiche la chair de poule. On voit pas grand-chose. Je m'accroche aux roches. Certaines sont arrachées par le vent et je suis projeté contre le mur. Mais ça bouge. Et c'est pas un mur. C'est une grosse créature tentaculaire. 8 bras. Et des intentions qui sont guère rassurantes à mon égard. Elle m'attrape avec une de ses grosses pattes et cherche à m'étouffer. Je me dégage. Je lui assène un gros coup de coude sur ce qui semble être sa tête. Et je profite qu'elle soit légèrement sonnée pour lui arracher les bras. Il y a une astuce. Pour chaque bras, il faut utiliser une technique martiale différente. Karaté, taekwondo, krav maga, jiu-jitsu, sistema, judo, ping-pong. Un entraînement très complet. Et ça s'adapte en fonction de mes points de santé. Seul souci, je suis exécrable au kung-fu. Avec son dernier bras, l'octopus m'égorge. Game over! Je reste affalé sur le sol, un temps. L'exosquelette se défait tout seul. Oh, ma nuque. Oh, ma pauvre nuque. Elle finira vraiment par se détacher. La douche salée s'enclenche toute seule sur mon pauvre corps meurtri. Je suis claqué. L'air est irrespirable. Faut remplacer les filtres à particules. Des mois qu'on fait la demande au ministère. Le graffiti face au commissariat annonce la couleur. Un bon flic est un flic mort. C'est pas le ministère qui prétendra vouloir le contraire. Nous étouffer dans l'odeur des rats à la cave. Les chiens, ça pue moins que les rats. Mais une brigade canine, ça coûte plus cher à l'entretien. Coupe budgétaire, bienvenue à la police. Ça pue dans tout le bâtiment et les radiateurs sont pétés. La fille face à moi a l'air encore bourrée, même si on dirait qu'elle s'est injecté un nouveau plasma pour faire bonne figure. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir un médecin? Elle a le visage complètement lacéré de coups de couteau et il est presque trop tard pour striper les blessures correctement. Et en plus, vous n'avez pas de certificat? Comment elle veut que j'atteste sa blessure? Elle me sourit, on dirait qu'elle plane. Les injections, c'est interdit, vous savez ça? Elle me regarde de haut et commence à siffloter. J'ai envie de la gifler. J'étouffe de l'air. Je gobe 3 waterballs. Elle sort un mouchoir de sa poche et se met à respirer au travers. Merci, ça pue. Ouais, je suis au courant, figurez-vous. Donc, vous déclarez que le 27 janvier 2050, aux environs de 23 heures, vous vous êtes fait voler votre vélomodule de marque Delvaux. Comment peut-on se payer un truc pareil ? Dont le track system est le UC76BXL et qu'il a été désactivé à 23h17 dans la rue Stévin. Vous affirmez que les assaillants sortaient du Berlaymont désaffecté et que l'un d'entre eux vous a lacéré le visage avec un couteau et que ça s'est passé très vite et donc vous ne savez plus combien ils étaient. Vous n'avez pas de certificat médical pour l'attester. Votre plainte ne concerne donc pas les coups et blessures, mais uniquement le vol du vélo module. Vous persistez et signez 28 janvier 2050, 8h14. Elle signe et sort sans même me jeter un regard. Pétasse! Ton affaire, elle va être classée sans suite, qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que c'est un Delvaux. Un Delvaux. Même la brigade Ratton, on la sort pas pour si peu. Aux poubelles de l'histoire, ton Delvaux. 10h. Une waterball, une barre de sauterelle. Bericht an alle Agenten. Avis à tous les agents. Groupe 21, groupe 21, secteur Europa. Groupe 30, groupe 30, secteur Centrum-Centre. groupe 34, groupe 34, secteur jardin tuin. Groupe 34. Groupe 27. Eh ben, elle est toute 27, seule, le groupe 34. Secteur ULB, VUB. Les autres sont tous en maladie. À croire que c'est un coup monté. Bah tant pis. J'irai seule, ouais. Mais non, je vais avec Apollon. Apollon, mon mignon petit agent accompagnateur. Un rat de Gambie d'un an et demi. Il détecte la moindre odeur suspecte. Un fin museau, hein ? Hein, Apollon ? Et au moins, il a ferme, lui. Pas comme ces tocards de collègues avec leurs blagues salaces. Que signifie 200 ans de féminisme dans 2050 ans de machisme ? Nix, nuts, des couilles. Ouais, c'est le cas de le dire. Bon, c'est pas tout ça, mais la mission n'attend pas. Je vais prendre le flip-flap. Bien mettre les clips. Apollon, ça le fait flipper, le flip-flap. Flipper le flip-flap. Ouais, bon. La minute technologique de Radio Quichotte. Souvenez-vous, Léonard de Vinci, Jules Verne. Un jour de 2032, une petite coopérative de geeks a décidé de s'inspirer des machines géniales du grand Leonardo pour inventer. Vous avez toujours voulu voler comme le hibou, l'aigle ou le coucou ? Voyez la vie d'en haut avec les flip-flap Universal Sky, des ailes adaptables à tous les bipèdes. Excusez-moi pour cette interruption publicitaire. Enfin, notez tout de même que pour une fois, elle est de circonstance. Comme quoi, parfois nos ennemis ont du génie, il faut le reconnaître. Et c'est être juste que de pouvoir Fort, beau et éternel. Remplacez vos vieux os par des neufs, Forever Bones. Une matière inspirée par la nature, conçue pour durer. Mais c'est quand même grave! Pirater une radio pirate! Ah, bravo, hein, félicitations, alors j'applaudis des deux mains. Quelle audace! Excusez-moi, chers auditeurs. Je disais donc que la mécanique simple, finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures choses, les meilleures sauces, excusez-moi. Et maintenant, musique. Forever Bones. Ils peuvent toujours faire leur pub, ça n'empêchera pas les rejets. Trois fois, j'ai dû remplacer l'humérus droit. Si j'avais pas acheté tout le squelette, ils se seraient pas gênés pour me faire payer leur matériel défaillant. Quelle honte. Shame. Et maintenant, ma pauvre nuque qui lâche. Malheur, déjà 10h05, j'ai loupé la rame de 10h. La prochaine est dans 5 minutes, juste le temps d'y parvenir. Oh, cette musique qui me poursuit de pièce en pièce. Stop it! Silence! Silence! On finira enterrés tous sous nos gadgets. Et lorsqu'ils rouilleront, la Terre sera plus rouge que Mars. Bon, il faut pas que j'oublie le sac avec le matériel. Mon Dieu, béni soit le temps où il y avait des porteurs! Super lourds! Si je ne finis pas plié en deux avant la fin de la journée, je prends des actions Forever Bones, juré. Dans la rue, c'est la canicule. 28 degrés. Bienvenue à Boisfort et son atmosphère protégée. La plus grande serre du pays. Ou plutôt, le four aux riches. Métro en vue et je suis déjà en sueur. Prochaine rame dans 49 secondes. Veuillez fixer l'écran de contrôle. Ne clignez pas des yeux. Merci. Bon, l'escalator est en panne. Je crois qu'il n'a jamais fonctionné. Ils étaient tellement ruinés par les travaux qu'ils l'ont laissé tel quel. Mais c'est ce qui rend le RER tellement charmant. Désuet, mais charmant. Pour accéder aux premières classes, veuillez fixer l'écran de contrôle. Ne clignez pas des yeux. Votre compte est débité. Merci. Je m'installe bien confortablement. Fauteuil de massage et hologramme sur le visio-screen. Des lumières fusent dans tous les sens. Mon Dieu, ça me donne la nausée ce matin. J'éteins le visio-screen. De toute façon, l'animation continue dans le tunnel. L'image animée suit la progression du RER. Nous traversons des forêts primaires. Les singe saute de branche en branche. Et une girafe galope à nos côtés. « 10h25. Ouille, c'est aujourd'hui. J'avais complètement zappé. Rendez-vous dans 5 minutes. Merde, je grelotte. Le lit est trempé. Bon, pas le temps de se laver. Foncez. L'appartement est vide. Tous les colocataires partis bosser. Blouson. Vélo module. En pédalant bien, il y a moyen d'arriver en 10 minutes à la clinique. Il fait froid, 8 degrés. Une pluie fine rend la piste sonore. » J'ai mal à la tête. Il y a un léger décalage entre ce qui parvient à mon œil droit et le gauche, comme s'il y avait un léger retard temporel. Faut-il que je ferme un œil? Mais... ça glisse! Merde! Un arbre! Vous avez commis un accident, veuillez sortir de votre véhicule. Comme œil du Burtek, s'il plaît. Incroyable. Les arbres parlent maintenant. Dernière sommation, sortez de votre véhicule pour l'identification. Un flip-flap de la police, au-dessus de ma tête. Je suis citoyenne H+, de code 46. Ne clignez pas des yeux. Merci de votre collaboration et faites attention. Enfin, je dis ça pour vous. Bon. Le vélo module et l'arbre sont indemnes. Match nul. Quelle chaleur tout d'un coup. Station Alma. Enfin. Le grand portique GSK-UCL s'ouvre à mon arrivée. Dans la salle d'attente, c'est le festival des éclopés. C'est bondé à crever. Un type vomit sur mon passage. L'odeur indiquée par mon sens olfactif m'indique un arôme de fraise qui contraste avec la couleur verte de sa régurgitation. C'est clair, j'ai bien été endommagée cette nuit. Je m'engouffre dans l'ascenseur. Mon œil gauche prend un retard de plus en plus conséquent. Il me repasse l'épisode du vomi. J'aperçois la fille ensanglantée d'hier, erratique, dans la foule d'attente. Door closing. Radio Quichotte. Chers auditeurs, si vous nous rejoignez, bonjour. Aujourd'hui, on parle d'histoire, d'archives, du passé. Car hier n'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas comme demain. Dieu sait si demain existera encore, d'ailleurs, mais passons. En 1770, l'espérance de vie était de 25 ans. Depuis, l'être humain n'a eu de cesse de rêver à son éternité. Se comparer à Dieu ne lui suffisait pas. Il voulait devenir l'égal de celui-ci. Si au XVIIIe siècle, il pensait y arriver par l'éducation, au XXe siècle, l'obsession technique est devenue son unique leitmotiv. Vers 2020, l'homme biologique est arrivé au maximum de sa longévité. Et puis, avec notamment la pollution, l'espérance de vie a fortement baissé. Pour perpétuer le mythe de la vie éternelle, il fallait en finir avec la chair et le sang. Toute cette matière nauséabonde se devait d'être modifiée. En 2003 déjà, le rêve transhumaniste devint réalité politique. Un programme doté de 800 milliards de dollars fut voté aux États-Unis, qui vit aussi la création de la Singularity University au cœur de la Silicon Valley, sur un terrain de la NASA, à deux pas du siège du monstre Google. L'objectif étant au départ de réparer les organes, modéliser et modifier l'ADSN. L'ADN, pardon. En 2015, l'administration Obama mit en place le programme Precision Medicine Initiative, installer des nanocapteurs dans le corps d'un million de volontaires pour en analyser le génome. Les résultats envoyés sur un cloud faisaient l'objet d'environ 180 000 tentatives de hacking par jour. Eh oui. La trop grande sécurité des peuples est toujours l'avant-coureur de leur servitude, Jean-Paul Marat, soit dit en passant. La Belgique, pays de briques et de brocs, en retard surtout, lança un programme similaire très tardivement. En 2025, avant qu'elle ne rachète l'UCL, la firme GSK proposa à certaines familles d'implanter des capteurs dans des bébés contre des sommes rondelettes. 10 000 bébés furent cobayes. Aujourd'hui, les citoyens Code 46 ne sont plus que quelques dizaines. La plupart sont morts. Et il semble qu'il y ait un taux de suicide anormalement élevé. Ce qui est une preuve, une fois de plus, que... Au cœur du beau quartier de Saint-Josse, plus de 25 salles de spectacle, des animations holographiques, des acteurs en chair et en os. Le théâtre Le Public, un théâtre où vous êtes les gladiateurs de l'arène. Le centième. L'étage au milieu des cieux. Tout ce qui se passe ici a comme seul témoin quelques pauvres nuages gris égarés. 10h45. Je suis directement prise en charge par l'assistant médical qui m'amène faire des tests en cascade. Prise de sang, d'urine, température, tension. Je lui demande d'appeler la chef, le docteur Chiron. Une femme d'un âge incertain, combinaison blanche. Elle porte le masque en permanence. On ne voit que ses yeux. Gris-vert. C'est elle qui me suit depuis toujours. Elle remarque immédiatement une défaillance dans mon regard. Je flippe total. Une puce est bel et bien endommagée. C'est l'alcool. La quintuple Westmal devait être frelatée. Elle m'insère une sonde dans la narine. Je n'éprouve aucune douleur. Un battement dans mes tempes prend toute la place de mon cerveau. Au loin, des zèbres chevauchent la plaine. Une tortue terrestre géante vient me frôler la jambe. Elle ouvre sa bouche et des millions de petits poissons en sortent. Ils tournent autour de moi. Leur couleur est vive. Une douce chaleur inonde mes pores d'une lumière phosphorescente. Agent Muller au rapport. Inspection potager ex-OTAN, trois glaneurs identifiés, Charles Ngomba, Giovanna Van de Put et Farid Uytenbroek. Incident avenue Paul Imans. Interpellation avortée, individu H+, code 46. Survolons actuellement l'extension boisée de Grand Bigard à Jette. Pas de braconnage en vue. Potager du ring, rien à signaler. Me dirige actuellement vers Tour et Taxi, 11h45. Out. Un goût de sang dans ma bouche. C'est salé. Un peu de nausée et le froid de la salle de réveil. La silhouette du docteur Chiron est perchée au-dessus de moi. Son visage se tord et se détord au ralenti. Elle semble me dire quelque chose. Ils ont visionné ma soirée d'hier. Elle agite une capture d'écran avec le visage de ce mec-là, le type de la radio clandestine ou je sais pas quoi. Je ne sais pas qui c'est, juste un vieux taré, sûrement un mythomane. Elle me regarde, ses yeux gris-verts n'expriment rien. Me croit-elle? Je ne sais pas. Mais elle n'en demande pas plus. Elle caresse mon visage et retire ma couverture. Je suis habillée. Je peux partir. Mes yeux sont resynchronisés. Interdiction totale de prise d'alcool et limitation des aires de mobilité. Autrement dit, je n'ai plus la liberté d'aller où et quand je veux. Et ils peuvent prendre mon contrôle à tout moment. Exténuée, je sors du bâtiment. Je laisse là le vélomodule qui me ferait consommer trop d'énergie et sur lequel, à coup sûr, ils ont activé un mouchard. Prendre le métro, pas le choix. Prochaine rame dans 18 secondes. Secteur Jardin Teunen, nous voilà. Atterrissage sur le toit de la méga-ferme verticale, Mannequin Fly. J'adore ce truc, méga-projet communautaire. C'est pour tout le monde et c'est gratuit. Comme les potagers du ring, sauf qu'ici c'est vertical. On s'est inspiré des plans de cet architecte là, début du siècle, Vincent Calbut. Calbeau, qui construisait des bâtiments comme des bulles. Mais là, on l'a fait avec des vieux trucs de récup. Hein. Le chantier s'est terminé l'été dernier. Il y avait une énergie de malade, des sauterelles grillées tous les jours. J'ai même eu droit à la prime éco-citoyenne pour participer. Fait froid, mais il y a un joli rayon de soleil. À travers l'eau, on voit les poissons. Leurs crottes sont utilisées pour faire pousser les plantes. Je lâche Apollo. Il se redresse sur ses pattes arrière et hume l'air. Le problème avec ces sandwichs, c'est qu'il tresse toujours une algue entre les dents. Ben, sale bête, il file vers les oies. Apollo ! Apollo ! Reviens, bien animal ! Quand j'avais 24 ans, c'était la mode des vestes avec une petite fourrure sur la capuche. Et Benny B avait sorti son premier single, 1989. Pendant qu'un mur tombait, ma carrière décollait. Il y avait des photos de moi partout, dans tous les magazines. J'étais pourtant déjà vieille par rapport aux autres mannequins. Alors j'ai entamé la chirurgie esthétique. Mes copines finissaient leur carrière et moi j'étais toujours en piste. Parce que ma peau, du lait. Rien ne pouvait m'arrêter. Il y avait des photos de moi partout. Abribus, Stib, panneaux géants. La ville était à moi. Ils sont arrivés avec cette saloperie de démocratie participative. Du jour au lendemain, le Sénat était composé par tirage au sort. Et la première mesure adoptée, je vous le donne en mille, interdiction de la publicité. Fini mon boulot. Terminé. Out. J'étais endetté jusqu'à l'os avec toutes ces opérations. Alors je suis passé de l'autre côté. Question de survie. Arnaque aux assurances, mais je me suis fait blacklister. Ensuite, j'ai tenté le phishing au compte en banque. Ça a pas mal marché, jusqu'à ce que le dark web perde en anonymat. J'ai arrêté juste à temps. Puis j'ai vendu des chiens, bien racés, des lévriers magnifiques. Il a fallu que Gaïa s'en mêle, j'étais démolie. Une petite dépression m'a envoyé à l'hôpital. Et c'est là qu'a germé l'idée de revendre une matérielle médicale. Forever Bones. La vie est pleine de ressources. Anuro n'est pas là. Nous avions pourtant convenu d'un rendez-vous ici même, devant l'entrée du Mannequin Fly. Anuro est un type svelte, personne ne sait d'où il vient, il a la peau belle comme un éclair au caramel. Je ne traite qu'avec lui, c'est lui qui écoule la marchandise. Un vieillard me regarde d'un air libidineux. Il s'approche. Je m'écarte et serre le sac contre moi. Je sais déjà ce qu'il va me dire. Hey, vous êtes la star de la pub, le symbole de mes nuits. Oh, Anuro. Heureusement, le voilà. Il arrive en courant, mais qu'est-ce qui traîne derrière lui? Quelle horreur, un rat! Ah, de la taille d'un chien! Anuro me fait de grands signes. Et maintenant, tout le parc nous regarde. Pour la discrétion, c'est foutu. Faut que je m'en aille, hein. Mais je peux pas partir, le vieux me retient par le bras. Il gueule! Anuro me rejoint, nous sommes maintenant encerclés d'une foule qui n'a rien de mieux à reluquer. Apollo! Sale bête! Voilà ce qui arrive quand on lâche la laisse. Me voilà à courir comme une idiote autour de cet étang avec ses poissons ridicules. Apollo ! Un cochon est vautré sur le chemin. Qu'est-ce qu'il fout là ? Seuls les cochons nains sont autorisés sur la voie publique. Devant le Mannequin Fly, il y a un attroupement de badauds. Qu'est-ce qui se passe ? Apollon est dans le tas. Je tire un coup de pétoir en l'air. Dernière sommation ! Circulez ! Il ne bouge pas, quelle bande de veaux ! Dispersez-vous ! C'est quoi le problème ? Pas le choix. Faut lancer une bombe de dispersion. Radio Quichotte. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire du plan Iris 5. C'est en effet en 2022 qu'a été adopté ce plan de grande envergure qui allait changer tout le paysage bruxellois. Souvenez-vous, juste avant l'adoption du plan, 230 000 véhicules arpentaient le pavé quotidiennement. 125 hectares de parkings privés et publics, sans compter les voitures parquées dans les rues, parfois même des deux côtés, forçant les piétons à marcher sur ce qu'on appelait alors vulgairement le trottoir. Quant aux nuisances sonores, à certains endroits, on atteignait des records. Porte de Halle, la Bourse, le double de ce que l'OMS considérait comme plafond absolu au-delà duquel, si vous voulez des chiffres, c'est 44 décibels, mais bon, ça ne vous indique pas grand-chose. En tout cas, au-delà de 40 décibels, c'est trouble du sommeil, de l'attention et de concentration, garantie sur facture. Sans parler des ambulances et autres véhicules policiers qui s'enorgueillissaient d'avoir les niveaux sonores les plus élevés d'Europe. 90 décibels, triste trophée. Mentionnons aussi l'éclairage public, ça représentait 30%, un tiers de la consommation énergétique de la ville. Des milliers de tonnes de CO2 et des effets dévastateurs sur les oiseaux, les insectes et les mammifères. Tout ça pour réconforter ce pauvre petit humain qui a peur du noir. La mesure a été radicale. Interdiction de tout type de moteur ou de batterie, boisement des grands axes, éclairage nocturne limité et gratuité des transports en commun. On a débétonné, planté, et au milieu des arbres sont apparues des pistes cyclables, simples et évidentes. En 5 ans, le monde avait changé. Aujourd'hui, nous saluons cette mesure, que dis-je, cette audace politique. Il faut bien reconnaître que pour une fois, ils ne se sont pas plantés. Rendons à César ce qui lui appartient. Le plan Iris 5 fut un modèle salué par toutes les nations pour son audace et son bon sens. L'apogée fut atteinte lorsque le grand ring... Fort, beau et éternel. Remplacez vos vieux os par des neufs, Forever Bones. Une matière inspirée par la nature, conçue pour durer. Transformé en potager utilisant les techniques de permaculture. Une jeune femme était tendue. Tous les autres ont filé comme des lapins. Elle a chopé le bidule en plein dedans. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Oh shit, j'y suis allée un peu fort. Mademoiselle, réveillez-vous. Faut pas dormir là. Sinon je vous colle une prune. Pas de réaction. Je lui pose un patch de diagnose. 12h34, tout va bien, elle vit. Petite arythmie cardiaque. Ruth Mertens. Ça alors, elle a 85 ans. Bah ma vieille. Jamais vu un tel résultat. Canon la vieille schnock. Ah, madame a ses appartements dans la cité d'Aume de Boisfort. Alors, amende ou pas amende ? Apollon est en train de lui lécher le pif. Si elle était consciente, elle s'est après une belle attaque. Bon, les services médicaux vont arriver d'une minute à l'autre. Une waterball, ça rafraîchit. Foutue chaleur torride. Je lui colle un outrage à agent. Non, shit. L'espace est vidéo surveillé, faut trouver autre chose. Hop, refus de dispersion, rébellion, vagabondage. Ça lui fera les pieds. Justice sociale, tiens. Allez, viens, Apollon. On s'arrache. Radio Quichotte. Bruxelles, Bruxelles, ô ma belle Bruxelles. Après avoir développé le langage, l'homme a mis des millénaires pour inventer l'écriture, les papyrus. Et puis les livres de papier ont servi de transmetteurs d'informations aux sociétés non orales, c'est-à-dire aux sociétés civilisées, n'ayant pas peur des mots. Le déclin de l'Antiquité fut marqué par le terrible incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, et le déclin de notre civilisation tout entière fut le crash de Big Data en 2026. Non content du papier, l'homme partit creuser des mines toujours plus profondes pour fabriquer des guerres, et des machines de communication toujours plus perfectionnées. Après avoir troué le sol comme un gruyère, il est allé submerger les serveurs de tous ces clouds pour les refroidir au fond de l'océan, qui, entre parenthèses, n'avait pas besoin de ça, luttant contre sa propre acidification due au réchauffement. Je ferme la parenthèse. Lors des accords de Lomé de la COP30 en 2024, la fabrication du papier fut interdite. Car qui publie un livre coupe un arbre, disaient les panneaux de propagande LSD. LCD, excusez-moi. Jubilant de ces nouvelles machines, l'humain stupide recyclait tous ces vieux livres pour en faire un mortier qui devait servir à boucher les trous des mines vides et menaçant de provoquer des écroulements de villes entières. Ayant soigneusement immergé tous ces clouds, c'est-à-dire l'entièreté de la mémoire du monde juste à côté des déchets nucléaires de ces centrales, dont il ne savait pas quoi faire, il ne se rendait pas compte qu'il marquait là son acte le plus idiot. Oui, idiot. Le mystère reste. Est-ce un attentat? Est-ce l'acidification? Est-ce un accident? Peu importe. La réponse, la cause réside dans la bêtise humaine. Un tsunami d'une magnitude encore jamais observée balaya les plages du globe cette année-là. Sans passé, l'homme reconstitua tant bien que mal son histoire. Des historiens furent convoqués pour rassembler leurs souvenirs et écrire une histoire officielle. Parallèlement, les gens s'organisaient, les écoles retournaient à la tradition orale, et le savoir prit un air de débrouille. Les gens retrouvèrent une joie perdue, celle de se parler directement, sans artifice technologique. Une créativité sans précédent réanima l'humanité, dansant sur les cendres de la civilisation technoïde qui les aurait probablement menés à leur perte. Mais le ver est dans le fruit, et la tentation de la machine est toujours vivace. Soyez rassurés, chers auditeurs, avec votre Robert sur Radio Quichotte, la radio clandestine, à travers vos vieux postes radio, jamais une panne de cloud. Au cœur du beau quartier de Saint-Jos, plus de 25 salles de spectacle, des animations holographiques, des acteurs en chair et en os, le théâtre Le Public, un théâtre qui vous déshabille. Si ce n'était, bien sûr, ces atroces publicités pirates financées, j'en suis sûr, par les censeurs, ces individus rétrogrades, amis des machines, justement. Fort, beau et éternel. Remplacez vos vieux os par des neufs. Forever Bones, une matière inspirée par la nature, conçue pour durer. Pas de chauffeur. Depuis quand suis-je dans ce métro? Il est 15 heures. Les portes du métro s'ouvrent. Station cage aux ours. Des gens sortent et d'autres entrent. Où vont-ils? Que font-ils? Le savent-ils vraiment? Combien de personnes sont passées à côté de moi aujourd'hui? Un type me regarde avec des yeux de cabillaud. Il a un manteau d'hiver. Il fait si froid dehors. Station Collignon, mariage à l'hôtel de ville. Un couple de jeunes gars s'embrasse sur une calèche. On leur lance du riz. Station Litz, on passe au-dessus de la rue de Brabant. Jour de marché, des tissus de toutes les couleurs, des légumes, des tapis. Station Maximilien, parc aventure. Des gamins dans les arbres. Une petite fille tombe de la tyrolienne, à moins que ce ne soit un petit garçon. Mortelle la chute. Station Tour et Taxi. Terminus. Tout le monde sort. Une femme entre dans le métro. Elle a l'air d'être en plastique. Impossible de prédire son âge. Elle s'assoit en face de moi. Le métro démarre en sens inverse. Elle éclate en sanglots. Je lui tends ma main. Elle me regarde, les yeux inondés, puis elle noie son visage dans mes mains. Cette fille a les mains douces, si douces. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. J'étais au milieu d'un parc, et les mésanges voltaient, des grives aussi. Le soleil réchauffait l'atmosphère. Un gros nuage est arrivé subitement. Avec des flammes qui jaillissaient, assourdissantes. C'est alors que des centaines de perruches se sont dirigées vers moi, colorées, Elle criait. Vous êtes la star de la pub, le symbole de mes nuits. Non, non, c'est pas ça. Trois silhouettes blanches avec un brassard rouge s'agitaient autour de moi. Ils me parlaient et j'entendais rien. Ils faisaient des signes avec leurs doigts dans des gants synthétiques. Une épreuve de maths. Un spectacle de marionnettes. Non, un octopus. Ils voulaient me mettre dans un cercueil orange. Et là, je me suis envolée dans les cieux. Du haut des éthers, j'ai vu une femme se lever d'une civière orange et en quelques prises d'arts martiaux bien senties, elle a arraché les bras des créatures en uniforme blanc qui l'entouraient. Des pantins désarticulés formaient maintenant des petites rivières rouges. La femme a couru et s'est engouffrée dans le métro. Bon, j'y suis quand même allée un peu fort. Si la vieille porte plainte, je suis cuite. Bah, elle le fera pas. Ces gens-là ont trop de fierté pour ça. Aucune émotion, aucune défaillance. De l'acier trempé. Enfin, dans son cas, ce serait plutôt du plastique. Apollon et moi survolons des toits blancs recouverts de panneaux solaires par endroits. Des petits damiers. On croirait une sorte d'alphabet braille, comme s'il y avait un message codé. Et autour, des arbres, des allées, des avenues. Sur certains toits des potagers, il y en a partout, c'est dingue. Des petites forêts miniatures. C'est le miracle de la permaculture, ça. Ah, le camping. Des toits où des cinglés se plaisent à camper. Faut pas que je me chope une tente, d'ailleurs. Ah bah tiens, une toile qui vole. Appel à toutes les patrouilles. Des ambulanciers ont été assassinés et un sac d'os de contrebande a été retrouvé. Le principal suspect est une femme. Il s'agit de... Fort, beau et éternel. Remplacez vos vieux os par des neufs. Forever Bones. Merde, merde, c'est quoi ces parasites? Silence! Silence! Remplacez vos vieux os par des neufs. Les commandes ne répondent pas. False closing! Schumann. Il fait encore clair. Quelle heure est-il? 17h32. Je suis descendue ici. Schumann. Quel nom étrange. Toutes ces gouttes d'eau. Plic. Ploc. Ils pourraient tout de même entretenir leur station. On n'est pas au Moyen-Âge, tout de même. Brrr, il fait glacial. C'est une sorte de neige, ça. Et pas une lumière. Dans l'obscurité, je perds la femme plastique. Elle avait l'air encore plus artificielle que moi, tiens. 17h52. Merde, je vais bientôt être en économie d'énergie. Un type se rapproche de moi avec un vélo module. Ça doit être un Gucci. Motifs floraux. Non, c'est un Delvaux. J'ai déjà entendu ça quelque part. Il veut me le vendre, on dirait. J'ai été désactivée, sorry, je peux pas parler. Il faut que je rentre chez moi. J'essaye de contourner l'homme. Ça me demande une force pas croyable. Mon pas se ralentit, je peux rien y faire. Je ne peux plus bouger. Hein? Mon bras se lève, mon index se tend et un conduit métallique en sort. Ma bouche s'ouvre. Vous êtes en état d'arrestation pour vol de vélo! Ne bougez plus, je vais tirer! La pluie forme des rivières. Les rivières sont rouges. La pluie forme des rivières rouges. Tiens! Des pales de flip-flop. Et un corps étendu. suis morte. Un ange ? Oh ! Trop mal pour être morte. Tibia et radius droit cassé, c'est sûr. Qui est cette femme qui me caresse la tête ? On dirait une poupée en plastique. Est-ce que je vous ai déjà vue ? Je ne sais pas. Chers amis, c'est extraordinaire. Enfin, c'est atroce. La cité protégée de Boisfort est bloquée. Personne n'en sort, personne n'y entre. Peu de choses la différencient maintenant d'un tombeau à ciel ouvert. Enfin non, justement, à ciel fermé. Une Boisfortoise aurait commis un triple meurtre sur des ambulanciers. Par solidarité avec les assassinés, c'est la révolte dans les quartiers. L'arsenal policier est déployé. Tous aux aguets. Attention aux embuscades. Désactivez vos machines car elles pourraient bien se retourner contre vous. Ne les laissez plus vous surveiller. Reprenez le contrôle de vos vies et remplacez vos vieux os par des neufs. Forever Bones. Une matière inspirée par la nature, conçue pour durer. Bruxelles 2050. Bref fragment d'un futur localisé. Une science-fiction radiophonique, écrite et réalisée par Emilienne Temples, avec les voix de Patricia Haïd, Magali Pinglou, Patrick Taliercio, Emilienne Temples. Musique originale de Vincent Cahet, montage-mixage Sébastien Courtois, illustration Antoinette Smars. Merci à Sophie Delafontaine, Marie Luçon, Aria Mansouri et Thénam Nguyen. Produit par Droit dans le Mur, avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.